Chapitre 4. Tu as grandi, lui disait-il, sous le soleil d'Asie. Tu as connu les grands ciels d'un bleu implacable sur lesquels se découpent les palais blancs que l'œil ne peut fixer. Tu as cherché, enfant, sous les liens des bagnants immenses, un peu d'ombre contre la chaleur. Tu as vu des hommes à la peau de bronze que les rayons du jour semblaient réduire à l'état de squelette. Tu as baigné tes petits pieds de reine dans les flots bleus de la mer de Java. Tu as vu des pays aux arbres verts comme des émeraudes, aux lacs couleur de turquoise, aux fleurs jaunes comme de l'or, aux rouges comme du sang ou des rubis. Eh bien, il y a là-bas, du côté du pôle, après la région des frimas et des neiges, derrière les hautes montagnes de glace, au-delà des brumes pleines de mystères et des glaciers où grelottent, dans leurs peaux de bêtes, les Esquimaux du Groenland, il y a, loin des icebergs formidables, une mer immense et bleue, plus bleue que celle du Bengale, au-dessus de laquelle volent, innombrables et pareils à des flocons de neige, des multitudes d'oiseaux inconnus. C'est la mer libre, la grande mer, la mer profonde, la mer plus vaste que l'océan, puisqu'on ne connaît point les limites, et qui s'étend, avec ses bordures de glace, jusque dans des régions où jamais voix humaine n'a été entendue. Cette mer, la mer libre du pôle, Sir John Franklin l'a entrevue peut-être. McClintock est certain qu'elle existe. McClure en a parlé. Moi, je la cherche et je veux, entends-tu, je veux m'enivrer de sa féerie. Je veux respirer le vent qui souffle dessus de ses vagues. Je veux, de mes lèvres avides, je veux boire de son eau glacée. Et continuant à décrire cette mer inconnue que son œil de voyant apercevait clairement, là, devant lui, comme une vision vers laquelle il pouvait étendre la main. Cornelius von Elven entraînait réellement Margaret sur ce grand chemin du rêve. La fille de l'armateur de Batavia se laissait emporter par ses songes superbes. Elle aussi, plongeant ses grands yeux noirs dans les yeux bleus et pleins de fièvre de son mari, elle entrevoyait cette grande mer mystérieuse du pôle, déroulant au loin ses flots et commençant peut-être un monde. Pleine d'admiration, de respect et de passion pour Cornelius, elle trouvait que celui-là qui pensait reculer ainsi les limites assignées à l'homme était un de ces êtres d'élection sur le fond desquels s'est posée la langue de feu du génie. Elle lui disait « Parlez, parlez !» lorsque, comparant son premier état à celui qu'il voulait suivre, Cornelius répétait que le soldat conquérant qui tue n'est rien, à côté du marin qui donne sa vie pour découvrir des mondes. Et lorsque, après lui avoir tant de fois décrit, comme s'il l'eût réellement visité jadis, cette brumeuse contrée du nord où le vieil Odin, le dieu scandinave, semble éternellement assis, dans ses glaciers brillants et beaux comme un Valhalla, sur son trône de neige, lorsqu'il lui disait « Je veux aller là, je veux attacher le nom de Von Elven à la découverte de la mer libre. » Margaret répondait, heureuse et fière, « Ce que tu feras sera bien fait, Cornelius. Et si tu as besoin de ma fortune tout entière, prends-la, prends, mon bien-aimé, tu sais bien qu'elle est à toi. » Ce n'était pas de quelques milliers de florins que parlait Madame Von Elven. Maître Ulcius, mort depuis quelques années, avait laissé à sa fille une royale fortune, banknote et tonne d'or. De cette fortune, Margaret en avait donné une partie aux pauvres en souvenir de son père. Le reste avait été confié à la Banque des Pays-Bas. Cornelius von Elven pouvait donc à son gré fréter un navire, dépenser ce qu'il voudrait pour l'expédition projetée. Margaret avait en lui la foi la plus profonde, une foi absolue, celle de l'enfant qui incarne toute puissance, toute volonté, tout amour dans son père. « Merci, » répondit alors Cornelius, lorsque Margaret lui parlait ainsi. « Quand j'aurai décidément trouvé le chemin qu'il faut suivre, le passage à travers les falaises sinistres, je partirai, ma bien-aimée, en te bénissant. » Cornelius von Elven n'avait d'autre amour que sa Margaret et d'autre rêve que son œuvre. Point d'enfant. On eût dit que la vie le condamnait au but unique qu'il entrevoyait comme dans la fièvre. Depuis des années, Cornelius n'avait pas d'ailleurs entendu parler de Carlos Flink. Le capitaine était reparti pour Bornéo ou pour Sumatra. Il y avait séjourné pendant plusieurs années, faisant son devoir, risquant sa vie, puisqu'il en était revenu avec une maladie de foi assez prononcée, et il s'était marié à Overshie, dans ce petit village tranquille où il espérait oublier ses déceptions et ses fatigues. Adrian Carlos, malgré ses facultés hors de pair, son courage à toute épreuve, son coup d'œil admirable, cette intrépidité d'âme et de corps qu'il avait taillée dans le roc des héros, n'était en effet arrivé à rien, et se retrouvait à 40 ans passés, aussi pauvre que devant, malade et lassé de tant de luttes. À quoi lui avait servi de verser tant de fois son sang, inutilement et obscurément, dans ses rencontres ignorées avec des rebelles, sur la côte ou dans les montagnes? Il revenait au pays avec le même grade que jadis, et se répétant tout bas que l'aventure du Zandstraat et la démission de Van Helven avaient peut-être été les seuls obstacles à son avancement. La mauvaise note encourue subsistait, et les ministres succédant aux ministres n'oubliaient point sans nul doute l'équipée du terrible combat au fond d'une rue de Rotterdam. Aussi bien Adrian Carlos se sentait-il devenir subitement très pâle lorsque le nom de Cornelius était prononcé devant lui. Peut-être eût-il oublié ce passé douloureux, cette rivalité désastreuse, si le mariage lui donnait la joie qu'il était en droit d'attendre. Mais le capitaine Fling avait tout justement épousé la seule femme qui ne pût lui convenir. C'était une bonne, douce et naïve hollandaise, blonde, blanche et grasse, riant volontiers tout d'abord, mais rendue timide et presque triste par les soubresauts et les colères de son mari, et qui, dans le petit logis d'Overshie, passait maintenant silencieuse et peureuse, ne s'occupant que d'arriver à l'heure militaire pour les repas et à faire flamber les cuivres polis de la maison. Une ménagère modèle, Gérard Dow a peint de ses calmes et clairs visages. Adrian Carlos, fumant sa pipe à la fenêtre, regardait, du matin au soir, le calme paysage des environs d'Overshie, les grands prés d'un vert tendre sous un ciel gris pâle, argenté et lumineux, avec des nuages en flocons de neige, au loin des toits rouges, un moulin presque toujours immobile, des bâches tachetées de noir paissant l'herbe piquée de fleurettes, l'eau des canaux étincelant au soleil, une fraîcheur, une santé, une paix profonde, un cadre tout fait pour un heureux. « Paysage de ruminant !» disait alors le capitaine Flink avec humeur. « L'homme n'est pas seulement sur terre pour digérer. Ah, que je m'ennuie !» Tout l'ennuyait. Sa femme, qui était charmante, son chien, qui était fidèle, sa servante, qui était dévouée. Il avait d'abord cru trouver, avec le repos, le contentement dans ce coin de terre. Il n'y rencontrait que le vaste, écœurant et profond ennui. « Je suis fait pour l'action » disait-il, criait-il tout haut, et les vitres du petit logis en tremblaient. « Ma vie n'a plus de but maintenant. Je suis las de m'assommer ici. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ?» Une gazette de Rotterdam vint lui annoncer un matin que l'ex-capitaine Van Helven, le héros du Gepo Upas, comme on appelait toujours Cornelius, préparait, disait-on, une expédition toute personnelle au pôle Nord. Cornelius Van Helven, après avoir tout d'abord conseillé à ses compatriotes de faire communiquer la mer du Nord avec Amsterdam, œuvre superbe qui devait être exécutée plus tard, avait cherché ensuite une autre entreprise digne de lui et s'était résolu, paraît-il, à découvrir, délimiter et sonder la mer libre du pôle. Était-il besoin, ajoutait la Gazette, de faire ressortir tout ce qu'avait d'admirable, de vraiment grand et de vraiment patriotique, un semblable projet? Quelle reconnaissance devait garder un jour la Hollande à l'homme qui, après l'avoir si bien servi autrefois, voulait aujourd'hui la parer d'une nouvelle gloire? Carlos Flink froissa tout aussitôt la Gazette avec rage et la jeta à terre pendant que sa femme Dika lui versait doucement son café. « Trop chaud, il est trop chaud !» s'écria le capitaine après l'avoir goûté. « Ce Cornelius, il y a donc toujours des destinées comme la sienne, toujours fortuné. Avait-il vraiment mérité plus que moi d'avoir de la renommée, de la fortune et une femme? Ah, quelle femme !» La pauvre Dika entendait tout cela. « Une vraie femme !» continuait Carlos, énergique, ardente, et qui serait capable, en cas de malheur, de partager toutes les douleurs avec lui. « Est-ce que je ne partage pas les tiennes, mon ami ?» murmura doucement Dika en tendant le sucrier à son mari. « Ce n'est pas la même chose, » fit Carlos. « Diable de sucre ! Il ne sucre pas ! Où diable as-tu pris ce sucre ? Non, mille fois non, ce n'est pas la même chose. Un caractère enragé comme le mien, il fallait une femme comme Margaret. » Alors, dit Madame Flink en s'efforçant de retenir ses larmes, « puisque tu crois que c'était elle qui pouvait te rendre heureux, pourquoi ne l'as-tu pas épousée ?» Ces paroles, les seules que Dika eut encore prononcées avec une nuance de reproche, firent sur Adrian Carlos l'effet d'un obus. Il bondit, regarda sa femme dont les yeux de faïence bleue se mouillaient de pleurs et dont le visage, rouge et frais d'ordinaire, était tout pâle. Puis il haussa les épaules et dit « Pourquoi ? Pourquoi ? Et parbleu, parce qu'il était là, lui ! Parce que, dans la part de chance faite à deux hommes grandissant côte à côte, il a tout pris, gloire et bonheur, et je l'ai aimé, et je l'ai appelé mon frère. Ah, ce Cornelius, je voudrais, Oui, lui prouver que je le vaux bien, dussé-je pour cela risquer cette misérable carcasse dont les balles et les couteaux des chasseurs de têtes n'ont jamais voulu. Alors tu le hais bien ? Demanda Dika. Oui, jusqu'au moelle. C'est dommage, fit doucement la Hollandaise, avec une expression de mélancolie que Carlos Flint ne comprit pas. Vois-tu, Adrien, je ne dis rien. J'ai l'air de ne rien comprendre, mais je ne suis pas une sotte. Il n'y a rien de plus sinistre que la haine. Je ne connais M. Van Helven que de réputation, mais je sais qu'il est aussi calme que tu es emporté, aussi froid que tu es bouillant, aussi disposé au rêve que tu es prêt à l'action. Unis entre vous, que de services vous auriez pu vous rendre l'un à l'autre et aussi aux autres. Avec l'affection, on fait des miracles. Avec la haine, on fait des folies. Je ne sais pas où j'ai lu cela, mais le mot m'a frappé et je l'ai retenu, mon ami. La haine est une force perdue. Dans ce que venait de dire avec cette intelligence profonde que donne la tendresse, Madame Flink, Adrien Carlos ne vit qu'une chose, l'éloge de Cornelius. Il s'irrita davantage, se fâcha tout à fait, et tandis qu'il prenait son café en grommelant, Dika monta à sa chambre et se mit à pleurer toute seule. Quand elle redescendit, essuyant ses yeux rouges, elle retrouva le capitaine Flink à la même place, mais penché sur la gazette et songeant. Il entendit du bruit, releva la tête, et Dika fut toute surprise en voyant son visage. Il rayonnait. « Qu'as-tu donc ? » lui dit-elle. « Adrien, Adrien, réponds-moi, qu'as-tu donc ?»« Rien, » fit Adrien Carlos, « mais j'ai peut-être trouvé le moyen de prouver à l'heureux Cornelius Van Helven que le capitaine Flink est aussi bon patriote que lui. »